Exercice 5, page 26. A. C'est près du métro. C'est près de la station. B. C'est à côté du tabac. C'est à côté de la poste. C. C'est au fond du couloir. C'est au fond de la cour. D. C'est en face du café. C'est en face de la brasserie.